Parce que les plus grandes trahisons se disent avec le silence, ils se taisent. Je leur crache à la gueule sans complaisance. Je vois tout et toutes sortes de saloperies, comme du sommet tronqué des pyramides d'Alexandrie. Je suis un peu de ces symphonies morbides qui t'envoient sur orbite, instrumentent les corbillards. Chienne de vérité, suce ton os jusqu'à la moelle. L'enfer aime ce monde et le fou à poil. N'aie pas peur de ce que t'es. Jette une larme virile, une dernière joue sur les lèvres de ceux que t'aimes. Je t'attends patiemment l'œil dans la lunette. Au tournant de tes tourments, rendez-vous avec le funèbre. Ahuri, laisse-moi donc te délurer. Tu me demandes si le cœur des hommes est à récurer. Je te réponds que ces âmes pures venues apprendre la trinité se firent salement sodomiser par monsieur le curé. Original, parano, confiance en rien ni personne. En moi tous complotent et leur corps flotte dans de grosses chiottes. Le diable est enceint de notre époque. Original, parano, confiance en rien ni personne. Pour moi tous complotent et leur corps flotte dans de grosses chiottes. Le diable est enceint de notre époque. Je ne me fie pas à ce monde dirigé par les mômes. Mec, c'est mort, le nucléaire sous leur index. Ma confiance est intouchable, si tu en gagnes le quart, t'es le king de l'arnaque. Je ne suis pas dupe, même mes potes complotent. Une tape sur l'épaule, ta pomme de main en compote. Également insomniaque, ne dors que d'un œil en coumia. Rien me saoule sans rhum ni cognac. Tu dis quoi ma couille, qu'est-ce tu magouilles dans le brouillard. Qui veux-tu bouillard? Comme toi, je suis malin et débrouillard. Mais tu connais ma maladie, je suis névrosé, maman l'a dit. Original, parano, confiance en rien ni personne. Pour moi tous complotent et leur corps flotte dans de grosses chiottes. Le diable est enceint de notre époque. Original, parano, confiance en rien ni personne. Pour moi tous complotent et leur corps flotte dans de grosses chiottes. Le diable est enceint de notre époque. Original, parano, parce qu'au pied de nos berceaux, le diable s'y flottait déjà sur un air de piano. Les anges sont pris en otage, ont le syndrome de Stockholm, se laissent brûler dans les cages de Sodome. On est des agneaux qu'ils ont voués au silence, un sphinx à la tête de mort coincé dans le larynx. L'avenir me voit venir de loin, il paraît, une fois là-bas, cette pute me fera le baise-main du parrain. Ici-bas, seuls les cannibales sauvent leur trou de balle. On vole trop haut pour leur coup bas. Armé de ma légendaire paranoïa, j'échappe de peu à la noyade. Je suis de ceux qui croient à l'incroyable. Confiance en rien ni personne, même pas en l'ombre de ma ganache. Chaque flocon a son soleil, tu mourras peut-être dans mon sommeil, mais pas avant un peu de toi sur le carrelage. Original, parano, confiance en rien ni personne. Pour moi tous complotent et leur corps flotte dans de grosses chiottes. Le diable est enceint de notre époque. Original, parano, confiance en rien ni personne. Pour moi tous complotent et leur corps flotte dans de grosses chiottes. Le diable est enceint de notre époque. Original, parano, confiance en rien ni personne. Pour moi tous complotent et leur corps flotte dans de grosses chiottes. Le diable est enceint de notre époque. Original, parano, confiance en rien ni personne. Pour moi tous complotent et leur corps flotte dans de grosses chiottes. Le diable est enceint de notre époque.